l'automne a fait parfum d'automne. Le reste sur mon lit, je n'ai plus d'envie. Pas de mots, d'images de personne. Souvenir d'un an qui n'est plus en vie. Sentiment égaré, s'il est encombré. Sentiment qui se perd, beaucoup de gens qui se vendent. Sentiment